les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Tous ces romans où les personnages sont des statues, c'est un mensonge et je suis un iconoclaste. Ces romans, quels romans? Certainement pas Solal, Mangeclou, Les Valeureux, Belle du Seigneur. Albert Cohen voulait-il, pouvait-il se mettre en colère? Oui, mais haïr, non. Ou alors vivre une mélancolie hypochondriaque épouvantable? La marche dans la nuit d'un petit enfant. Voici le quatrième volet d'une série de cinq proposée par Françoise Estève et Jean Couturier, quelques mois après la disparition d'Albert Cohen sur France Culture. Belle du Seigneur, le piège à souris, Belle du Seigneur, les anges paléolithiques, Belle du Seigneur, l'iconoclaste. Et voici « Ô vous, frères humains », sous-titré « Un vieil homme de 10 ans, blanc, sur un rideau noir ». Première diffusion sur France Culture le 5 août 1982. Et de panique, je mectais mes lèvres. Toi, tu es un youpin, hein ? Me dit le blond camelot aux fines moustaches que j'étais allé écouter avec fouet et tendresse à la sortie du lycée. Tu es un sale youpin, hein ? Ah, je vois ça à ta gueule, tu manges pas du cochon, hein ? Vu que les cochons se mangent pas entre eux. Tu es avare, hein, je vois ça à ta gueule. Tu bouffes les louis d'or, hein ? T'aimes mieux ça que les bonbons, hein ? Tu es encore un français à la manque, hein, je vois ça à ta gueule, tu es un sale juif, hein, un sale juif, hein ? Ton père est de la finance internationale, hein. Tu viens manger le pain des Français, hein, messieurs, dames. Je vous présente un copain à Dreyfus. Un petit youtre pur sang, garanti de la confrérie du sécateur. Raccourci, oui, faux. Je le reconnais du premier coup. J'ai l'œil américain, moi. Eh ben, nous, on n'aime pas les juifs par ici. C'est une sale race. C'est tous des espions vendus à l'Allemagne. Vous voyez Dreyfus? C'est tous des traîtres. C'est tous des salauds, sont mauvais comme la gale, des sangsues du pauvre monde. Ça roule sur l'or, ça fume des gros cigares, pendant que nous, on se met la ceinture. Pas vrai, messieurs, dames? Allez, tu peux filer. Il se peut que tous mes livres soient nés avec l'histoire du camelot. Et c'est très curieux. On dirait que j'ai refait l'aventure juive. Ce 16e jour du mois d'août, à 3h05 de l'après-midi, sortant du lycée où j'étais allé suivre un cours de vacances pour cancre en arithmétique, je vis un attroupement. À l'affût de m'intéresser et de jouir de la vie, de ma vie qui venait de commencer, je m'approchais. C'était un camelot qui, devant sa table pliante, démontrait avec feu les mérites de son détacheur universel. Fort animé, me forgeant déjà 1000 félicités de connaissances nouvelles, je me faufilais au premier rang pour mieux entendre et admirer le blanc camelot aux fines moustaches. J'étais très fort en admiration en ce temps de mon enfance. Oh, comme j'étais heureux d'écouter ce séducteur, de rire avec les badauds, de participer, d'en être. À chaque plaisanterie du cher camelot, si spirituel, je regardais mes voisins pour rencontrer leurs yeux, pour me réjouir avec eux, pour communier. Oh, comme il parlait bien, et comme je l'admirais, et combien le merveilleux langage français était plaisant au petit étranger débarqué à 5 ans de son île grecque, et qui le parlait encore si mal. Extasié, physiquement charmé, j'écoutais l'enchanteur, je le contemplais avec foi, une foi de petit chien, je croyais en lui et je l'aimais. Françoise Estève, Jean Couturier. Albert Cohen. Ô vous, frères humains. Un vieil homme de 10 ans. Blanc sur un rideau noir. Ainsi étais-je, ainsi était ce petit crétin aux boucles noires, aux longs cils recourbés. Quand, avec son bâton de miracle, le magicien faisait disparaître une tache, je regardais de nouveau mes voisins pour m'assurer qu'ils appréciaient, pour savourer leur admiration, pour être en union d'émerveillement. J'étais heureux. Je souriais au camelot, j'étais fier de lui, fier de sa compétence, fier de son accent parisien, et je l'aimais. J'avais 3 francs dans ma poche, cadeau de ma mère en ce jour anniversaire. Et je décidai d'en consacrer la moitié à l'achat de 3 bâtons de détacheur. Ainsi le camelot m'estimerait, me trouverait intéressant et je pourrais rester longtemps à l'écouter, du droit d'un client sérieux. Et puis maman serait si contente. Jamais plus de tâches. Le cœur battant, tout ému de l'important achat qui allait me valoir la considération des badauds et l'amitié du camelot, je mis la main dans la poche de mon costume marin pour en sortir la grande somme. Et j'aspirais largement pour avoir le courage de m'avancer et de réclamer les 3 bâtons. Mais alors, rencontrant mon sourire tendre de 10 ans, sourire d'amour, le camelot s'arrêta de discourir et de frotter, scruta silencieusement mon visage, sourit à son tour, et j'eus peur. Son sourire venait de découvrir 2 longues canines. Et un paquet de sang massivement afflua sous ma poitrine, à hauteur du sternum, avec le choc d'un coup contre ma gorge. Sous son regard bleu pâle et son index tendu qui me désignait, je transpirais. Et de panique, je humectais mes lèvres. « Toi, tu es un youpin, hein ?» me dit le blond camelot aux fines moustaches que j'étais allé écouter avec foi et tendresse à la sortie du lycée. « Tu es un sale youpin, hein ?» Ah, je vois ça à ta gueule, tu manges pas du cochon, hein, vu que les cochons se mangent pas entre eux. Tu es avare, hein, je vois ça à ta gueule. Tu bouffes les louis d'or, hein, t'aimes mieux ça que les bonbons, hein. Tu es encore un français à la manque, hein, je vois ça à ta gueule, tu es un sale juif, hein, un sale juif, hein. Ton père est de la finance internationale, hein, tu viens manger le pain des français, hein, messieurs dames, je vous présente un copain à Dreyfus. Un petit youtre pur sang, garanti de la confrérie du sécateur, raccourci, oui, faux, je l'ai reconnu du premier coup. J'ai l'œil américain, moi. Eh ben nous, on n'aime pas les juifs par ici. C'est une sale race. C'est tous des espions vendus à l'Allemagne. Vous voyez Dreyfus ? C'est tous des traîtres. C'est tous des salauds, sont mauvais comme la gale, des sangsues du pauvre monde. Ça roule sur l'or, ça fume des gros cigares, pendant que nous, on se met la ceinture. Pas vrai, messieurs, dames ? Allez, tu peux filer. On t'a assez vu, t'es pas chez toi, ici. C'est pas ton pays, ici, t'as rien à faire chez nous. Allez, file, débarrasse voir un peu le plancher. Va, allez, va voir un peu à Jérusalem si j'y suis. Et je suis parti. Éternelle minorité. Le dos soudain courbé, avec une habitude de sourire sur la lèvre, je suis parti, à jamais banni de la famille humaine, sensu du pauvre monde et mauvais comme la gale. Je suis parti sous les rires de la majorité satisfaite, braves gens qui s'aimaient de détester ensemble, niaisement communiant en un ennemi commun, l'étranger. Je suis parti, gardant mon sourire, affreux sourire tremblé. Sourire de la honte. Mais au tournant de la rue, j'ai déposé le sourire. Et, allumons les 10 bougies roses, un regard méfiant m'est venu, un regard oblique, un regard de bête malade. Et j'ai rasé les murs en ma 10e année, en ce 10e anniversaire de ma naissance, rasé furtivement les murs, chien battu, chien renvoyé. Le juif, c'est sournois, disent les antisémites. Parler de ma vérité. Et ma vérité, ce n'est pas l'amour du prochain, leur amour du prochain. J'y ai cru à cet amour du prochain. Je l'ai dit dans un de mes livres. J'y ai cru. J'y ai cru en ma jeunesse. Et j'en ai encore la nostalgie parfois. Et il me tente quelquefois encore cet amour. Je m'y laisse prendre quelquefois l'amour du prochain. J'oublie parfois, j'oublie tout le faux semblant qu'il y a dans cet amour du prochain. Mais je ne suis pas longtemps escroqué par cet amour du prochain. Je ne marche pas. Et je dis qu'en vérité, il y a deux amours. Le vrai, qui est pour les bien-aimés, et le faux, qui est pour les prochains. Je voudrais pouvoir leur dire le véritable amour du prochain, celui que je connais. Celui qui m'est apparu en un fracassement de vérité, savoir le leur dire et qu'ils me croient. C'est cela que j'aurais voulu dire au lieu d'écrire des romans. Mais cette tendresse de pitié, c'est une chose que je crois vraie et sans faux semblant. Alors, je dis que mon pire ennemi, si je le sais, condamné à une affreuse agonie, je ne peux pas lui en vouloir. Et mon pardon est vrai. Mon pardon est vrai. C'est pas le pardon des religieux qui se forcent à pardonner et qui rechignent et qui se disent quoi. On me dit dans le Nouveau Testament qu'il faut que je pardonne, il n'y a rien à faire, il faut que je pardonne. Mais ils n'aiment pas, ils n'en pardonnent pas vraiment. Ils disent qu'ils pardonnent. Mais la rancune reste dans l'inconscient. Tandis que avoir la vision, je pensais à ce Camelot, quand j'écrivais mon « Ô vous, frères humains », en écrivant tout d'un coup, je me suis dit, il mourra, mais il mourra. Il est mort déjà, peut-être. Alors, il a souffert. Comment ne pas se réjouir du moment de gloire qu'il a eu d'être supérieur, d'être le supérieur, celui qui a chassé un petit enfant. Parce que ça le réconforte de sa pauvre vie de pauvre vendeur, de détacheur universel. Alors en écrivant ça, je disais, heureusement, il a eu un bon moment dans sa vie, ce pauvre miséreux. Oui. Et moi, juif, je pardonne à Céline ou à Maurras, non seulement parce qu'il va mourir, non seulement parce qu'il n'y peut rien, parce qu'il est ainsi, parce que ses chromosomes sont antisémites, mais parce qu'il croit que sa haine est juste, le pauvre. Et qu'il fait bien de haïr. Alors tout cela fait que j'arrive pas à haïr. Je peux me mettre en colère, oui, mais haïr, non. Puis d'ailleurs, vous savez, l'antisémitisme, qu'est-ce que c'est que l'antisémitisme? C'est une forme particulièrement aiguë de la haine de l'étranger, mais elle est plus soignée, plus venimeuse que la haine habituelle de l'étranger. Pourquoi? Parce que le juif, avant en tout cas la création de l'État d'Israël, était un étranger tout à fait spécial, qui ne pouvait pas aller ailleurs, qui était, quoi qu'il fît, était un étranger. Il allait dans un autre pays, là aussi, dans cet autre pays, il était étranger. Et en plus de cela, cet étranger très spécial, très virulent, était doué pour la vie par-dessus le marché. Non seulement il était sans refuge, mais il était capable en plus. Et puis, il y a tant d'autres raisons pour les Juifs. Il y a encore le fait que ce sont des Orientaux un peu trop exhibitionnistes, vous savez, enfin, très marqués, très, très hauts en couleur. On les remarque beaucoup trop, n'est-ce pas? Il y a ça, et puis il y a tant d'autres choses encore. C'est pas la peine, c'est pas d'antisémitisme qu'il faut parler en ce moment. Beau, et les yeux beaux, et les belles boucles au vent, et plein de dents neuves. J'ai erré dans les rues de Marseille, ne sachant pas pourquoi ils étaient méchants, ne comprenant pas le mal que j'avais fait, que je leur avais fait. Je me suis arrêté devant un mur, mon premier mur des pleurs, pour comprendre. Et mon dos soudain vieilli devant le mur des pleurs. Mon dos devenu juif a commencé à aller d'arrière en avant et d'avant en arrière. à commencer à prendre le balancement rituel de mes pères, le rythme de complainte et de longue tristesse, la séculaire cadence de rumination du malheur, à commencer à se voûter, à devenir un dos méditatif, dos neurasthénique où pousse la bosse des juifs, couronne de leur malheur, bosse des étranges qui pensent trop et remâchent trop, remâchent tout seuls. Cette sale race, c'est précoce, disent les antisémites. Bref, allumons rétroactivement 10 bougies roses. Avant que tout impassible sur mon lit de mort je sois, indifférent même aux sanglots de celle que j'ai tant aimée, avant donc que tout silencieux et gourmé je sois, il faut que j'écrive un livre utile. Court ou long, on verra bien. Et assez de romans. Dans les pages que je vais écrire avec une maladive lenteur et un étrange petit plaisir triste et appliqué, je sais que je ridiculiserai l'enfant que je fus. Mais il n'importe. Si je parviens à ramener les haïsseurs à la bonté, à les convaincre que les juifs sont aussi des humains et même des prochains. Des humains, oui, avec des émois, des joies, des espoirs, des tendresses, des angoisses, et en leur enfance des larmes solitaires, des sanglots dans la gorge figée, et des hontes, les yeux baissés. Qui sait, me suis-je dit, ce que je vais leur conter va peut-être changer les haïsseurs de juifs, arracher les canines de leur âme. Oui, si je leur explique le mal qu'ils ont fait à un petit enfant, par eux soudain fracassé de malheur, s'ils lisent ce livre jusqu'à la fin, ils comprendront, me suis-je dit. Et ils auront honte de leur méchanceté, et ils nous aimeront. De plaisir, je viens de me faire un clin d'œil dans la glace en face de moi. Soudain, j'ai pitié de moi, tout seul dans ma chambre. Pitié de ce réformateur des haïsseurs. Pitié de ce chimérique qui, de victorieux plaisir, vient de se frotter les mains, tout seul dans sa chambre. Pitié de mon absurdité, pitié de mon clin d'œil ravi, et de ce lamentable frottement de mains. Ça a joué un très grand rôle, ça, très grand. Pendant longtemps, après cette aventure, je me suis enfermé dans ma chambre et je vivais avec des livres en français. Je fermais la fenêtre pour ne pas voir le dehors, ne pas voir les murs. Puis ça avait causé chez moi une mélancolie hypochondriaque épouvantable, cette aventure. Hypochondriaque. Mais elle s'est passée exactement comme vous la racontez. Oh, exact. Le fond est tout à fait vrai. Mais il se peut que, sans le vouloir, j'ai ajouté des choses, mais qui sont, en fin de compte, vraies. Parce que toute cette espèce de marche dans la nuit du petit enfant, c'est tout à fait vrai. Le fait que je suis rentré à la maison et que j'ai raconté un peu ce qui m'était arrivé... Et je revois encore mon père et ma mère, l'un et l'autre, assis sur le lit, qui se sont mis à pleurer. Comme je dis, de quoi faire, de quoi amuser un antisémite. Ça m'a tordu l'âme un peu. Et alors, il m'est arrivé une chose d'hypochondriaque extraordinaire. Vivre seul, vivre... Avec ma France à moi, avec ma petite France, des livres. Parce que ça, c'était des amis, j'avais le droit de vivre avec eux. Ça, ils me voulaient. J'avais dit, ça, c'est ma petite France à moi. Et c'est la première fois que vous étiez rejeté comme cela ? Non, il y a eu une autre fois, à la plaine Saint-Michel. C'était l'endroit où j'allais le jeudi, où les enfants jouaient. Et il y a un petit garçon qui vient me demander si je veux jouer avec lui. Moi, ravi, on va jouer ensemble. Et puis le petit garçon m'amène vers sa mère. Et sa mère me pose des questions. Comment tu t'appelles ? Albert. Mais ton autre nom ? Me demande cette dame. Cohen. Non, elle me dit non, c'est pas la peine, parce que nous allons rentrer à la maison. Donc nous allons partir. Alors bon, j'étais très triste. Et puis alors je suis parti. Et puis alors j'ai vu que ce même petit garçon avec qui j'allais jouer, il n'était pas parti avec sa maman. Il était resté, il est joué avec une petite fille. Et j'ai eu là ce sentiment qu'on ne voulait pas de moi. Et vous aviez quel âge ? Oh là, je devais avoir 6 ans, 7 ans. Il se peut que tous mes livres soient nés avec l'histoire du camelot. Et c'est très curieux. On dirait que j'ai refait l'aventure juive. Parce que, tout d'un coup, je me suis reconnu dans une glace, puis j'ai eu l'impression que... Comment était-ce ? Oui, que je leur dirai un jour ce qu'ils m'ont fait, et puis que je serai extrêmement bon avec eux, que ça serait ma vengeance. Ma vengeance. D'être... Oui, nous sommes un peuple malchanceux, mais nous sommes habitués à la malchance. Nous en sommes toujours bien tirés pendant 2000 ans avec cette malchance. Nous avons tenu le coup. Maintenant, ce que je crois, moi, c'est que il y a deux injustices, plutôt deux justices. Il est juste que ce peuple s'enterre et s'atterre. Et il est juste aussi que les Arabes aient que les Palestiniens aient leur État. C'est comme cela que ça doit finir. Pourquoi n'auraient-ils pas leur État aussi, ces Palestiniens ? Il y a de la place en Cisjordanie. Et cela finira ainsi, ça ne peut pas ne pas finir ainsi. D'ailleurs, moi, j'ai été fonctionnaire international, mais dans ma vie, il y a eu toujours, en même temps, un intérêt marqué pour le sionisme, puisque j'ai été, moi, au moment où il n'y avait pas encore l'État d'Israël, j'ai quitté pour un temps le BIT, parce qu'à ce moment-là, j'étais au BIT, avant la guerre, et parce que le docteur Weizmann m'avait demandé d'être son représentant à Paris. J'étais son représentant personnel à Paris, en 1939. Le premier ministre israélien Moshe Charette, en 1951, à Genève, m'avait proposé une ambassade. Et il m'avait dit qu'il me la donnerait à une seule condition. J'ai réfléchi lorsqu'il m'a dit ça. La condition était que j'apprenne l'hébreu. J'étais trop âgé. J'ai réfléchi. Et puis, apprendre l'hébreu lorsqu'on a plus de 50 ans, c'est pas possible. Mais autrement, j'ai beaucoup regretté ça. Un cabinet payant de gare, un refuge de 2 sous contre la méchanceté. Là, en compagnie d'une chaîne dont l'indifférente poignée de faïence pendait, je pleurais solitairement. Là, debout en face de la cuvette des Water, quel manque de goût de choisir un tel lieu pour souffrir. Là, pleurant et sanglotant et reniflant, je savais que je n'étais pas méchant, que j'étais un bon petit garçon, un très doux enfant, fier de ses boucles, un gentil qui voulait admirer et croire, et surtout aimer et être aimé. Mais pourquoi, oh, pourquoi s'était-il mis à rire de moi si content quand le méchant m'avait insulté et chassé? Pourquoi? Demandai-je à la poignée de la chasse d'eau. Et je m'assis par terre. Ridiculement assis sur le ciment froid, les épaules contre le siège du cabinet payant, je ne comprenais pas. L'enfant juif ne comprenait pas. Le visage illuminé de larmes immobiles, je cherchais à comprendre l'énigme de cette haine. Tout en torturant une des courtes boucles qui retombaient sur mon front, la faisant, la défaisant, la refaisant. « Sale juif !» me répétais-je. « Sale juif !» cherchais-je à comprendre, me sentant condamné, retranché, coupable. Criminel, incompréhensiblement criminel, irrévocablement criminel d'être né. Ce matin pluvieux, une sympathie me vient pour le camelot de mes 10 ans. Et une pitié aussi. Une tendresse de pitié. Soudain, je le connais tel qu'il est, je suis son frère et son jumeau. Et par pitié et tendresse de pitié, je suis lui-même, lui-même devenu. Tandis que je le revois si blond et revois ses fines moustaches, pauvre fils de pauvre. Pauvre incapable et démuni qui veut un ennemi responsable de sa vie misérable et qui croit que sa haine est juste et louable et sans console. Et encore, à ce malheureux inférieur méprisé et le sachant, il est bon et réconfortant de se sentir supérieur en méprisant à son tour. Pardonner de véritables pardons, c'est savoir que l'offenseur est mon frère en la mort. Un futur agonisant qui connaîtra les horreurs de la vallée des épouvantements. Et déjà il mérite pitié et tendresse de pitié. Et il a tous les droits sur moi, auguste droit de son malheur à venir, malheur certain. Et comment alors ne pas lui pardonner ? Qu'après la publication de Vous, frères humains, vous aviez reçu des lettres de religieux et de religieuses qui vous demandaient pardon. Ah, c'était beau. Bon, mais c'était beau, mais ce n'était pas sincère pour vous? Ah oui. C'était sincère? Ah oui, ça oui. Ça oui. Parce qu'elles avaient la tendresse de pitié à ce moment-là. Mais il faut pas... Parce qu'elles ont vu ce petit enfant. Et j'en ai une fois, peut-être demain, je vous montrerai, tous ces prêtres, toutes ces sœurs catholiques, il y en a une qui me baisait la main. Ah oui. Maintenant, je suis peut-être fou. C'est de la folie, peut-être, tout ce que je viens de dire. Mais c'est une folie à laquelle je crois. Eux, les religieux, se forcent à pardonner. Et le pardon, je crois, n'est jamais vraiment vrai. Le pardon, leur pardon n'est que parole prononcée avec un sourire attristé et noble. Leur pardon ne procède que du conscient, qui obéit à une règle. Il sue et il se démène pour arriver à pardonner. Bref, une constipation de bonté. Alors que ça doit être au contraire un jaillissement, le pardon, une joie, un bonheur. Voilà. Soudain, j'aperçus un mort aux juifs à la craie sur le mur. Je frissonnais, je m'enfuis. Mais au tournant de la rue, un autre mort aux juifs. Il voulait ma mort. Mais comment n'avais-je pas vu ces 3 mots sur les murs auparavant? Traqué par les souhaits de mort, je baissais les yeux pour ne plus les voir. Dans la rue déserte, j'allais les yeux baissés. mais parfois, à la dérobée, je levais les yeux et je lançais un vif regard en stylet vers les murs. Avec la terreur de voir les trois mots, mais aussi avec une sorte d'espoir de voir les trois mots. Et une satisfaction étrange si je voyais les trois mots. Cette devise d'amour, d'amour du prochain, leur amour. Je vais mourir bientôt. Et je serai un mort. Un mort impliable. Un vrai mort dans ce même lit où vivant je dormirai et respirerai ce soir. Et ensuite ils me déposeront habillé, tout contraint et bougon, dans un cercueil de chêne ciré. À l'intérieur joliment capitonné de satin blanc. Mon cercueil. Ma dernière propriété. Et ils n'auront pas su m'habiller bien, ces imbéciles. Je serais très engoncé dans mon complet anthracite, beaucoup trop chaud. J'aurais préféré le gris léger, si joli. Ils feront de moi tout ce qu'ils voudront. Et ainsi traite-t-on les morts, solennels incapables, pauvres délaissés. Et on vissera la planche étouffante au-dessus de moi. Je ne protesterai pas, pauvre agneau. Et... adieu, Albert Cohen. Je vais mourir bientôt. Et être dans de la terre à jamais. Et au plus haut du ciel, un éployé vautour en suspens attend déjà et me surveille. J'écris pourtant avec un petit sourire aimable, avec une soigneuse lenteur, en un cheminement gauche mais commandé. Termite patient, quoique bizarre, je forme mes couloirs, diligemment mes méandres, studieusement mes tunnels. Avec l'écriture scolaire que j'ai lorsque je conduis ma plume en état d'obéissance et certitude. Sûr et sans joie. Mais avec quelques neurasthéniques plaisirs. Quinquas triste et mécanique. Commandé comme un cafard ou une étoile. Et je dépose mes tristesses, stériles plaintes offertes à l'avenir. Et aussi quelques fleurs séchées, restent des funérailles de mon cœur, mes fleurs pour ce que j'ai aimé en silence, et sans vouloir en être aimé, car il n'aime jamais assez. Il fait beau dehors, il y a la vie dehors, et moi je reste seul et enfermé, oubliant de vivre. Drôle. Je serai un mort dans 4 ou 5 ans, ou 10 ans au plus. Un mort tout déconfit et ankylosé, tout gauche et gêné, la cravate mal nouée, pour la première fois mal nouée. Ils n'ont pas su, les imbéciles. Un mort si mort. Un authentique Maccabée avec tous ses charmes de claqué. Et dans 100 ans, un tout osseux, avec sous le nez disparu, l'effrayant grand rire muet entre les deux maxillaires. Le large rire incessant des morts. Et dans 1000 ans, quelques débris dans ma caisse. Un peu de fémur peut-être, ou d'os iliaque, ou de sacrum, ou de grand trochantère. Et des graviers d'ossements. La vie éternelle, c'est-à-dire... que je pourrai regarder, paraît-il, quand mes yeux seront une coulante morve. Et j'aime tellement regarder. Mais il paraît que je pourrai regarder. L'âme, oui, les réalités invisibles. Mais je suis visible, moi. Moi, je suis visible. C'est très commode, des réalités qui ont la politesse d'être invisibles. Ne se compromettent pas, sont invisibles. J'apprends que ces messieurs dames des invisibilités ne parlent même pas Dieu spirituel. Ils me disent, non, monsieur, nous ne parlons pas Dieu spirituel, nous ne parlons pas d'oreilles immatérielles, mais nous parlons d'un monde extrêmement bien, fréquenté par des principes. Fréquenté par des principes, par des survolances, des essences, des perlimpinpins, dont le propre et la substance est de n'être pas. Il faut aussi définir l'athéisme et l'appliquer aussi à Cohen, Albert Cohen, qui n'est pas en fait athée, même s'il le refuse. Armand Abécassis. Il n'y a qu'à le lire. On est toujours, je pense, athée de quelque chose. On n'est pas athée tout court. On est athée d'une certaine conception de Dieu. Et nécessairement, historiquement, s'il y a des athées au XXe siècle, ils sont athées de la manière dont on leur a parlé de Dieu. Et c'est par rapport à cette éducation, apprentissage de certains sentiments spécifiques du 19e siècle ou du 20e ou du Moyen-Âge qu'ils réagissent et qu'ils ne veulent plus vivre leur relation de cette manière-là. Et même le mot Dieu n'existe pas dans la Torah, vous le savez peut-être. Il n'y a pas de nom générique pour dire Dieu. Nous avons différents noms divins, Adonai, Elohim, Tsevaot, Shaddai, mais nous n'avons pas un mot pour dire Dieu dans la Bible. Alors qu'en français, il existe, ou dans toutes les langues, il existe. Il n'y a pas de nom générique. Ça signifie par conséquent que l'hébreu n'a jamais parlé de Dieu, mais il a parlé de certains noms divins. Le nom, comme dans toute sociologie, anthropologie nous l'apprend, le nom, c'est notre relation à la chose qui porte ce nom. Par conséquent, lorsque un nom divin, c'est le tétragramme, puisque ce qu'on appelle Jéhovah, par exemple, c'est pour nous la relation d'amour. Lorsqu'on appelle Dieu Elohim, c'est pour nous la relation de justice. Lorsqu'on appelle Dieu Tsevaot, c'est pour nous le Dieu de la structure et de l'organisation, de l'ordre. L'autre, c'est de la justice. Il faut que l'ordre soit la justice, c'est-à-dire que c'est le même être qui porte les noms, n'est-ce pas ? C'est pourquoi Dieu Elohim, il est toutes ses valeurs en même temps, bien sûr. Par conséquent, ce qu'on peut dire clairement, c'est qu'un homme ne peut pas vivre sans Dieu dans le sens où, non pas Dieu tel qu'il le pense, mais un homme ne peut pas vivre sans être happé par un absolu quelconque. Il n'y a pas d'homme qui ne vive pas sans vouloir faire quelque chose, sans exiger quelque chose, parce qu'il n'y a pas d'homme qui désire, et tout désir est désir d'absolu infini. Le problème pour nous, ce n'est pas Dieu, c'est la relation qu'on établit avec cet absolu. Il y en a qui ne veulent que l'absolu financier, la relation financière avec la réalité. Il y en a qui ne veulent que la relation d'amour. Il y en a qui ne vivent que la relation de justice. Chacun est condamné, ou il le choisit systématiquement ou par son tempérament, à vivre une relation avec l'absolu. Mais il n'y a pas d'homme qui soit psychologiquement, métaphysiquement, psychanalytiquement athée, c'est impossible. Nous vivons toujours avec un infini qui nous appelle. Et tout le problème dans le monothéisme est de nous apprendre à aménager la relation avec cet infini. Par exemple, si moi, par tempérament, je suis porté sur la justice, et mon Dieu, mon absolu, c'est la justice sociale, par exemple, il faut qu'on m'apprenne qu'on peut aussi avoir avec le même absolu un rapport d'amour. Par conséquent, dans ma société, il ne faut pas que j'envoie en Sibérie ceux qui veulent l'amour et qui veulent l'église ou la synagogue ou la mosquée, mais il faut que ma société puisse le permettre. C'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas d'athée absolu. On est toujours athée d'une certaine conception. Ceci dit, deuxième remarque, l'athéisme est une assise formidable. Pour découvrir le véritable rapport à l'absolu, il faut être athée. C'est-à-dire qu'il faut être athée de toutes les relations exclusives. Donc l'athéisme est un stade formidable dans la société humaine. Il vaut mieux être athée qu'idolâtre. Il vaut mieux être athée que païen. Ça, c'est clair. Parce que l'athéisme est un stade nécessaire pour l'évolution de l'homme. Que veut dire être athée ? Je ne veux pas le Dieu des Grecs, je ne veux pas le Dieu des Romains, je ne veux pas le Dieu des chrétiens, je ne veux pas le Dieu des Juifs, je ne veux aucun Dieu. Pourquoi ? Parce que j'exige une relation à l'absolu encore plus forte. Je veux vivre, moi, ma relation à mon absolu, à moi, bien sûr. Alors dans ce sens-là, encore moins un juif, Albert Cohen, ne peut pas être athée parce qu'il croit. Et comme disait Camus, respirer, c'est déjà croire en quelque chose, c'est-à-dire au moins que la vie vaut la peine d'être vécue, sinon je m'arrêterai de respirer. Donc Camus a raison, lui qui était pourtant apparemment athée, absurdiste, il voit qu'il y a un sens au monde et qu'il faut que je découvre ce sens-là et qu'il dépend de moi de tenir tête à l'absurde et d'imposer un sens au monde quel qu'il soit. Bien. Eh bien, dans ce sens-là, Albert Cohen, s'il se dit athée, et il faut qu'il corrige, il est athée d'un certain nombre de conceptions de Dieu, mais pas athée tout court. Ceci dit, en pratique, oui. Les personnages de Cohen se suicident. Oui. Dans un sens, oui. Dans un sens, c'est la description de ce qui se passe dans nos sociétés. Il ne faut pas se suicider réellement, biologiquement, porter atteinte à sa biologie pour être suicidé. Les malades mentaux, c'est des formes de suicide. Les névroses, c'est des formes de suicide. Les psychoses, bon, inconscient, mais c'est des formes de suicide. Le clochard est une forme de suicide, quelle que soit la discussion qu'on peut porter là-dessus. Il y a toute forme de suicide, c'est-à-dire il n'y a pas de civilisation qui ne traîne pas avec elle des déchets. Ces déchets peuvent être de toutes sortes, par exemple le suicide, comme on l'entend couramment, ou alors le suicide psychologique, ou le suicide social, l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est aussi une forme de suicide de l'homme qu'on exploite. Et dans ce sens-là, le roman de l'œuvre d'Albert Cohen, comme l'œuvre de tous les poètes, tous les romanciers contemporains, porte nécessairement le reflet des aspects positifs et des aspects négatifs des déchets de notre civilisation. Voilà une première manière qui nous permet de répondre à cette question. Mais une deuxième manière fondamentale, il faut voir en cela ce suicide comme on dirait en psychologie, une projection d'un désespoir, mais d'un manque, un manque qui n'a pas pu être entièrement comblé par les valeurs de l'Occident, l'éducation dans la société occidentale, et qui débouche dans ce suicide, c'est-à-dire dans cette forme de désespoir. C'est une forme de projection. Ce n'est pas par hasard que précisément Albert Cohen connaît les relations et les couloirs politiques, et il abonde énormément dans ce monde de la politique comme par hasard, et c'est à l'intérieur de ce monde politique qu'il y a échec, qu'il y a suicide, il y a négation de l'homme, ainsi de suite. Voilà une deuxième manière aussi de répondre à la question. Mais ce qui est beaucoup plus fondamental pour moi, je pense, c'est que dans chaque page, dans chaque personnage, même quand Albert Cohen le conduit jusqu'au suicide, il y a une sensibilité qui est caractéristique d'un juif oriental, de l'Orient en général, mais d'un juif oriental. Je disais que je ne sais pas comment un occidental découvre la vie intime, psychologique, cette description profonde des personnages qu'Albert Cohen fait, mais il est clair que ce n'est pas comme cela qu'en général nous vivons la relation intersubjective affective en Occident, qu'il y a quelque chose de spécifiquement grec, oriental et juif surtout. Et dans ce sens-là, Albert Cohen est bien juif, d'ailleurs qu'il le réclame et il l'affirme. Alors s'il est juif et qu'il l'affirme et qu'il n'en est pas fier, peut-être c'est une mauvaise manière de parler, mais qu'il assume sa judéité sous une manière ou sous une autre, non, ce serait contradictoire de dire qu'il est athée parce qu'il croit au moins à l'originalité du peuple juif, puisqu'il en fait partie et qu'il veut l'assumer. Et par conséquent, il croit à un travail positif du peuple juif sur Terre. Donc il croit à quelque chose. Et s'il croit à quelque chose, il respire en tant que juif, il ne peut pas être athée. Enfin, il ne croit pas à la vie spirituelle, en tous les cas. C'est quand même important, au regard de l'athéisme, de ne pas croire à la vie spirituelle. C'est vrai, mais nous disons, nous, toujours que nous sommes, nous, ceux qui sont réveillés à la vie spirituelle, responsables de ceux qui ne veulent pas se réveiller à la vie spirituelle, ou ceux qui y sont passés et qui en ont désespéré. C'est que nous n'avons pas pu leur exprimer, leur tenir un discours de vie spirituelle qui puisse répondre à leur manque. Nous n'avons pas été à leur écoute. S'il y a des athées aujourd'hui ou s'il y a des matérialistes, c'est parce que les juifs ou les chrétiens ne peuvent pas parler, tenir un discours qui puisse répondre à ce que cherche, au manque par conséquent du matérialiste. Et il est logique et parfaitement honnête que les matérialistes ne trouvent pas un discours spirituel qui puisse répondre concrètement à ces problèmes, à y chercher dans le matérialisme de quoi satisfaire ce manque. C'est pas de sa faute, c'est de notre faute à nous. Oh, dans les captivités en temps de terres étrangères, mes faméliques errants traînant leur tenace espoir au long des siècles et à jamais refusant de se fondre et de se perdre parmi les nations de l'exil. Ô mon peuple de fierté, jalousement voulant sa survie et garder son âme, peuple de la résistance non pendant un an, non pendant 5 ans, non pendant 10 ans, non pendant 20 ans, mais peuple de la résistance pendant 2000 ans. Et quel autre peuple ainsi résista ? Oui, 2000 années de résistance. Et qu'ils en prennent de la graine, les autres peuples. Oh, tous mes pères au long des siècles, qui ont préféré les massacres à la trahison et les bûchers au reniement. Mes pères dans les flammes, proclamant jusqu'à leur dernier souffle l'unité de Dieu et la grandeur de leur foi. Oh, mes pères obstinés qui, pendant des siècles, ont accepté une vie pire que la mort, vie d'abaissement, vie d'ignominie, saint abaissement, saint ignominie que leur valait leur arrogance, à garder leur foi en un Dieu un et saint, Et de cette arrogance, un pape, Innocent III, les châtie en leur imposant le port de la rouelle. Leur défend sous peine de mort de se montrer dans les rues sans l'insigne cousu sur leurs vêtements. Un signe infamant qui les expose en Europe pendant 6 siècles à la raillerie et aux insultes. Marque visible de honte et d'infériorité. Marque toujours présente par quoi la foule est invitée à les accabler de ses outrages et de ses violences. Oh, amour du prochain. Oh, mes pères souffrants, mes tourmentés. Mais ce n'est pas assez d'amour du prochain, et 50 ans plus tard, le Concile de Vienne estime que la rouelle n'avilit pas assez, et il décide de nous ridiculiser davantage, nous impose le port d'un chapeau comique, qui doit être pointu ou en forme de corne. Ainsi affublés, ainsi châtiés d'être les mainteneurs du Dieu un, nous sommes allés à travers les contrées, extravagants et difformes, en notre glorieuse prêtrise. Nous sommes allés angoissés, apeurés, tenaces, moqués, insultés, coriaces. Nous sommes allés patients, grotesques, sublimes. Sublimes en chapeau pointu ou cornu. Et les foules riaient. Nous sommes allés marqués, désignés, repoussés, de tous stigmatisés, roués de coups, burlesques cibles pour les outrages. J'en ai mal au foie et brûlure aux yeux et clous dans le cœur. Nous sommes allés couverts d'immondices. Nous sommes allés épaules affaissées, dos voûté, yeux méfiants. Nous sommes allés en loques, humbles de contenance, orgueilleux en notre âme, faméliques princes en esclavage. Nous sommes allés au long des siècles, héros dépenaillés du Dieu véritable, porteurs de notre sainte loi, harpe sonnante à travers le noir ouragan des âges. Et les chapeaux pointus ou cornus du concile chrétien étaient nos couronnes d'élection. Hosanna. Après cet incident du Camelot, j'ai fait vraiment, j'ai été pas tout à fait normal. Pas tout à fait normal, parce que je m'enfermais dans ma chambre et ma mère, ma sainte mère, acceptait même ça, acceptait que je mange seul. Je prenais mes repas seul. J'avais des livres et j'étais avec les livres, avec les stores baissés. Pour ne pas voir le dehors, pour ne pas voir les murs. Mort aux juifs. Oui, ça a duré assez longtemps. Ce sont les chères nymphes qui m'ont fait sortir de ça, les femmes. Enfin, les femmes, pas. Quand il y a eu l'amour, alors j'étais heureux. Mais quand vous aviez 10 ans, l'âge du camelot, qu'est-ce que ça représentait pour vous être juif ? Des choses très naïves. L'admiration pour Moïse, à qui Dieu avait donné la sainte loi. Cette loi qui permet à l'homme d'oublier son péché originel. Son péché originel étant qu'il est un animal. Un animal qui veut devenir homme et qui ne peut devenir homme que par ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Tout jeune encore, quand j'avais entendu le mot de péché originel, j'avais pensé, péché originel, ça veut dire je suis une bête qui ne veut plus être bête. Et parce que c'est vrai d'ailleurs, l'obéissance à la loi morale, c'est monstrueux parce que on fait ce qu'on ne voudrait pas faire et on ne fait pas ce qu'on voudrait faire, n'est-ce pas? Alors la sainte loi transforme l'homme en une sorte de monstre qui ment à sa nature et qui arrive à y mentir si bien qu'il devient presque un humain. Mais vous étiez fier d'être juif quand vous étiez petit garçon ou vous étiez malheureux de l'être ? Ah non, jamais. Jamais, j'entends. Il m'est arrivé ceci qui est une sorte de répétition chez ce petit enfant du destin juif. Je suis persécuté, donc je les sauverai. Je me rappelle, je me promenais C'était une longue promenade que j'avais fait. Et vers 11h ou minuit, je me voyais leur apportant la bonté, leur montrant ce qu'il faut être. J'ai raconté ça, je me rappelle plus très bien comment je le dis dans le livre. Vous me le passez là ? C'est pas ça, ça c'est... Ah oui, c'est ça. Apercevant un fiacre stationné près d'un réverbère, à longue traîne d'ombre, étrange, anguleux fiacre luisant, déchiqueté fiacre sans cocher, je m'arrêtais devant le vieux cheval d'Olan. C'est drôle, ce cheval qui revient toujours. Dans Belle du Seigneur, il y a un cheval. C'est comme si c'était le symbole de la sagesse, du savoir. Devant le vieux cheval d'Olan, humble esclave de jour et de nuit, longue, chaste, doctorale tête vers les jambes torse penchées, je m'arrêtai pour qu'il m'entendît dire, à voix haute, à voix douce et enivrée, m'entendit dire que j'étais le roi des Juifs, le prince de l'exil, le seigneur humilié, qui plus tard, qui libérerait plus tard les hommes de leur méchanceté. D'allégresse soudaine, je claquais des doigts et des talons et je dansais dans la nuit, dansais absurdement sur place, dansais à l'ombre démesurée de la captive Carne, follement dansais d'illustre et royal bonheur. Ainsi délirais-je, ainsi l'enfant dément de malheur, etc. Mais c'était la première fois que vous étiez en but à l'injustice ou... On vous avait... C'était la première fois. Parce qu'à l'école, au lycée, on ne m'avait jamais dit quoi que ce soit. Oui. Pagnol, par exemple, a été interviewé, il disait, en parlant de moi, il disait qu'il ne savait même pas ce que c'était. Il croyait que les Juifs, c'était une sorte de protestants, n'est-ce pas ? Et une fois, il m'avait demandé de le bénir, parce que je bénissais déjà dans ce temps-là. Les trois ne s'assirent pas à la table ornée pour la fête des 10 ans. Et ils allèrent dans la chambre du père et de la mère. Là, maîtrisant le vertige qui lui est resté toute la vie, l'enfant raconta à son père et à sa mère. Mais il ne raconta pas tout. Il dit seulement que des gens avaient ri de lui et l'avaient chassé parce qu'il avait un visage juif. Alors le père et la mère lancèrent un regard de remords sur le visage de l'enfant qu'ils avaient mis au monde. Et ils baissèrent les yeux. Je revois ce moment. Mon père était assis sur son lit. Ma mère était assise sur le lit d'en face. Et sa petite main de peau trop fine tenait le pommeau de cuivre. Et tous les trois nous pleurions. De quoi réjouir un antisémite. Bien sûr, on a fait mieux depuis. Bien sûr, le Camelot n'a fait que donner de la honte à un petit enfant. Il l'a seulement renseigné sur sa qualité d'infâme. Bien sûr, il l'a seulement convaincu du péché d'être né, péché qui mérite le soupçon et la haine. Mais ce n'est tout de même pas mal d'apprendre à un doux petit enfant qu'il est un maudit et de tordre à jamais son âme. Bien sûr, on a fait mieux depuis. Mais ce qui m'advint en ce 10e anniversaire de ma venue sur Terre, cette haine pour la première fois rencontrée, cette haine imbécile, fut l'annonce des chambres de grand effroi, le présage et le commencement des chambres à gaz, des longues chambres de ciment où deux des miens, mon oncle et son fils, ont suffoqué et sont morts. Se tenant par la main, la nudité du fils s'abattant sur la nudité du père qu'il avait aimé. Pourquoi êtes-vous blessé comme ça ? Parce que je suis venu dans la vie avec un bouquet de roses et on m'a lancé des excréments à la figure. Et qu'on a continué, en fin de compte. Mais comme je suis en même temps intelligent et habile. Enfin, habile, pas dans le mauvais sens du mot, enfin, que j'ai su m'arranger. Je suis l'homme. Mon père était un homme extrêmement simple. Moi aussi, eh bien, j'ai voyagé pendant longtemps avec des passeports diplomatiques. C'est ce que j'appelle habileté. Mais malgré tout, j'ai rencontré beaucoup de surprises désagréables. Beaucoup. Oui, mais... J'ai été blessé, c'est vrai. Mais pas simplement en tant que juif. Pas seulement ça. Non, pas seulement ça. Aussi, donc. Mes deux premiers, mon deuxième mariage a été un mariage terriblement triste. Terriblement triste. Et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai écrit Mangeclou, parce que c'était une période extrêmement noire. Et j'ai écrit quelque chose de gai. Vous êtes plus dur pour les femmes que pour les hommes. Oui, parce que je les respecte. Parce que je suis fils de ma mère. Ma mère était effrayée à la pensée qu'il y a des femmes qui se montrent toutes nues et qui ne sont pas mariées et qui se montrent toutes nues. C'est affreux. Elle avait peur. Elle avait peur pour moi parce qu'elle savait que je... voyez une certaine dame, elle se disait, mais ces dames-là, ça donne des coups de revolver. Par jalousie, elle me voyait déjà revolverisée. Vous ne pensez pas que d'une certaine façon, vous avez été un peu marqué quand même par cette éducation? Ma mère, oui, certainement, certainement. Moi, je crois en la religion juive. Il y a une chose... À l'exception, j'avais dit ça à ce rabbin qui m'a interviewé. J'ai dit, il n'y a qu'une chose qui me gêne, c'est l'existence de Dieu là-dedans. Mais autrement, une religion qui a 613 ordres de ne pas faire certaines choses, ça c'est très important. Parce que on peut prétendre, on peut dire, mais le christianisme c'est beaucoup plus beau parce qu'il faut aimer. Seulement, cet amour du prochain, c'est quelque chose de si léger. Aimer, mais est-ce que celui qui aime tellement son prochain est capable de donner la moitié de ce qu'il a? Pourtant, c'est ça l'amour, donner au moins la moitié. L'après-midi du vendredi, qui est chez les Juifs le commencement du saint jour de sabbat, elle se faisait belle et ornée, ma mère. Elle mettait sa solennelle robe de soie noire et ceux de ses bijoux qui lui restaient encore. Elle avait vendu à Genève, lorsque j'étais un étudiant, aux noirs hymnes indisciplinés sur ma tête et que j'avais un beau cœur quelque peu fou, quoique tendre. Elle avait vendu ses plus nobles bijoux, dont elle était si fière, ma chérie, et qui étaient nécessaires à sa naïve dignité de fille de notable d'un âge disparu. Tant de fois, toujours roulée par les bijoutiers, elle avait vendu pour moi de ses bijoux, en cachette de mon père, dont la sévérité nous effrayait, elle et moi, et nous faisait complices. Ô prêtresse de son fils, ô majesté que je fus trop longtemps à reconnaître, trop tard maintenant. Chaque sabbat à Marseille, où je venais de Genève passer mes vacances, ma mère nous attendait, mon père et moi, qui allions revenir de la synagogue avec les brins de myrte à la main. Ayant fini d'orner pour le sabbat son humble appartement, qui était son juif royaume et sa pauvre patrie. Elle était assise, ma mère, toute seule, devant la table cérémonieuse du sabbat, émue comme une petite fille de distribution de prix. Ma vieillissante mère attendait ses deux buts de vie, son fils et son mari. Il faut savoir que dans le Moyen-Orient en général, dans le monde arabe d'ailleurs, mais l'oriental et encore aussi les juifs, sinon plus, il y a une relation à la mère très très forte. La structure de la famille juive est une structure telle que, contrairement à ce qu'on pense, la mère est centrale dans un foyer. Elle est comparée, non pas politiquement, mais réellement, dans la liturgie quotidienne, avec la prêtresse du foyer. Par exemple, nous sommes vendredi, et tout à l'heure, le Shabbat va commencer. Il faut recevoir le Shabbat en allumant deux bougies, symbole de la lumière de l'esprit. Pour nous, ce n'est pas l'homme qui doit allumer. Ce sera ma femme tout à l'heure qui va allumer en faisant une bénédiction pour dire que le Shabbat est arrivé et que la lumière de l'esprit est entrée. Et toute la vie de la famille tourne autour de la femme. Les rabbins vont jusqu'à nous dire que si le mari est assimilé et ne respecte pas les lois, ce n'est pas tellement important. Mais dans une famille, que la femme tienne et le judaïsme sera sauvé. On nous dit par exemple que le peuple juif a été sauvé, le peuple hébreu a été sauvé d'Égypte grâce au mérite des femmes et pas aux hommes. Et ainsi de suite, un certain nombre d'enseignements sur les femmes qui nous permettent, puisque nous observons pour nous traditionnels la liturgie quotidienne, les prières, les textes, l'étude, la vie de famille, de vivre cette importance extraordinaire de la femme à l'intérieur de la famille. Vous savez par exemple qu'un homme, un juif, est juif, non pas parce que son père est juif, mais parce que sa mère est juive. Alors tout ceci pour dire qu'à tous les niveaux, il y a un attachement extraordinaire de l'enfant à la mère, pas beaucoup plus qu'au père, mais cette forme de relation à la mère est infiniment plus profonde, peut-être, je n'en sais rien, et c'est pourquoi le cordon ombilical peut être difficile à couper pour nous, non seulement les orientaux en général, mais les juifs en particulier. Et contrairement à l'Occident, où l'enfant rend le cordon ombilical le plus tôt possible, en quoi il a raison aussi. Si bien que cette nostalgie maternelle, la mère, a toujours représenté, et en cela aussi, Albert Cohen ne peut pas être athée. Et on voit qu'il garde cette sensibilité juive, cette relation, cette compréhension de la famille, et qu'il a vécu cette relation à la mère et au père aussi d'une manière absolument juive. Et c'est ce qui peut expliquer cette admiration et cette nostalgie de la mère en général. Oui, mais alors par contre, dans son roman, c'est la femme qui a toutes les souillures et qui est en quelque sorte responsable de la déchéance de l'homme, hein, c'est quand même... La Bible dit aussi que c'est la femme qui a donné la pomme, la fameuse pomme qui n'est pas une pomme d'ailleurs, le fruit défendu à l'homme. Là, il faudrait peut-être discuter pendant très longtemps ce que représente la femme dans la tradition juive, mais on peut dire très très rapidement que finalement, tout homme rencontre, d'après la Bible, trois relations possibles avec la femme. Et nous sommes condamnés, pas en tant que juifs, mais en tant qu'êtres humains. Et ce n'est pas accidentel, ce n'est pas culturel, c'est comme cela, éternellement. Ce n'est pas un accident de culture. Ou je rencontre la femme comme ma femme, ou je la rencontre comme ma mère, ou je la rencontre comme ma sœur. Il n'y a pas d'autre relation possible. Et tout le drame du juif, comme tout le drame de l'homme, c'est de pouvoir circuler dans ces relations et les distinguer. Or, il est clair qu'avant qu'on y arrive, il faut beaucoup de temps, il faut une maturité et surtout une habitude de l'analyse de soi et de ses relations avec les autres très très poussée pour arriver à faire que je n'exige pas de ma femme ce que me faisait ma mère et que je n'exige pas de ma sœur ce que me fait ma femme et inversement. Et on le voit par exemple dans l'histoire d'Abraham, où à un moment donné, il appelle sa femme, puis à un moment donné, elle est sa sœur, et même à un moment donné, elle est sa mère. Ce qui signifie que finalement, avec toute femme, au fond, simultanée, on entretient des rapports de mère, de sœur et de femme. Et si on devait mettre une hiérarchie, au fond, ce serait celle, la hiérarchie mystique, elle est curieuse, mais il faudrait en discuter un jour, que le plus bas niveau, mais pas dans le sens de la valeur, simplement le niveau le plus immédiat, et c'est la relation à la mère. Ensuite, la relation à la femme, et enfin la relation à la sœur. Il faut un jour, disent les mystiques, que l'homme, après avoir considéré sa femme comme sa mère, puis comme sa femme, il arrive à la considérer comme sa sœur. À ce moment-là, il réussit ce qu'on appelle le couple. Et la sœur, c'est-à-dire l'égalité totale. Elle ne s'était pas mariée par amour. On l'avait mariée. Et elle avait docilement accepté. Et l'amour biblique était né, si différent de mes occidentales passions. Le saint amour de ma mère était né dans le mariage, avait cru avec la naissance du bébé que je fus, s'était épanoui dans l'alliance avec son cher mari contre la vie méchante. Il y a des passions tournoyantes et ensoleillées. Il n'y a pas de plus grand amour. On l'a soulevée, muette, et elle ne s'est pas débattue. Celle qui s'était tant affairée dans sa cuisine. On l'a soulevée de ce lit où elle avait tant songé à son fils, tant attendu les lettres de son fils, tant rêvé des cauchemars où son fils était en péril. On l'a soulevée, raidie, on l'a enfermée, et puis on a vissé la boîte. Enfermée comme une chose dans une boîte, une chose que deux chevaux ont emportée, et les gens dans la rue ont continué à faire leurs achats. On l'a descendue dans un trou, et elle n'a pas protesté. Celle qui parlait avec tant d'animation, ses petites mains toujours en mouvement. Et maintenant, elle est silencieuse sous la terre, enfermée dans la geôle terreuse avec interdiction d'en sortir, prisonnière et muette dans sa solitude de terre, avec de la terre suffocante et si lourde inexorablement au-dessus d'elle, dont les petites mains jamais plus ne bougeront. Une pancarte de l'armée du salut m'a informé hier que Dieu m'aime. Toute seule là-dessous, la pauvre inutile dont on s'est débarrassé dans de la terre, fini. Plus de maman, jamais. Nous sommes bien seuls tous les deux. Toi dans ta terre, moi dans ma chambre. Moi, un peu mort parmi les vivants. Toi, un peu vivante parmi les morts. En ce moment, tu souris peut-être imperceptiblement parce que j'ai moins mal à la tête. Je rêve à ma mère, souvent. Mais c'est étrange, deux choses qui me reviennent, qui me viennent dans les sommeils, c'est que ma mère est moins aimante qu'autrefois. Elle est un peu lointaine. Elle a le regard ailleurs. Et aussi, je la vois très souvent cachée dans un village secret. Où il est interdit qu'on sache qu'elle est là. Elle vit en contrebande. Et elle est devant une table, et il y a d'autres convives à cette table, et ils sont silencieux. Parfois, je rêve, je passe devant un kiosque à journaux, et la vendeuse de journaux me tend une lettre, c'est une lettre de ma mère. Ma mère était une sainte véritable, c'est-à-dire qu'elle ne savait pas qu'elle était une sainte. Depuis mon enfance, je crois que la dernière fois que vous êtes venu, je vous ai dit certaines choses. Que j'étais obsédé d'abord par la mort et ensuite par la crainte d'être enterré vivant. Et j'avais demandé à ma mère de me tuer une seconde fois. Dans mon sommeil, qui est la musique des tombes, je viens de la voir encore, belle comme en sa jeunesse, mortellement belle, hélas, si tranquille et muette. Elle allait quitter ma chambre, et je l'ai rappelée d'une voix hystérique qui me faisait honte dans le rêve. Elle m'a dit qu'elle avait des choses urgentes à faire. une étoile juive à faire coudre sur l'ours de pluche qu'elle avait acheté pour son petit garçon, peu après notre arrivée à Marseille. Mais elle a accepté de rester encore un peu, malgré l'ordre de la Gestapo. Va-t'en, tu es trop vivante. Il me reste une glace, et mon égarement que j'y regarde, que je regarde en souriant pour avoir envie de faire semblant de vivre, tout en murmurant avec un petit rire un peu fou que tout va très bien, madame la marquise, et que je suis perdu, perdu, perdi, perdo, perda. C'est une découverte que je fais. On s'amuse un peu dans le malheur. Dans les rues, je suis l'obsédé de ma morte, mornement regardant tous ces agités qui ne savent pas qu'ils mourront et que le bois de leur cercueil existe déjà dans une scierie ou dans une forêt. Je suis un transpirant cauchemar dans les rues où je pense sans cesse à ma vivante juste avant la seconde de sa mort. Et si j'allais vers ce passant pour lui dire que j'ai perdu ma mère et que nous devons échanger un baiser de prochain, un éperdu baiser de communion en un malheur qui a été ou qui sera le sien? Non, il me signalerait à la police. Aujourd'hui, je suis fou de mort. Partout la mort. Et ces roses sur ma table qui me parfument tandis que j'écris, affreusement vivant. Elle aimait la vie. Je crie à la butte confiance, à la sinistre plaisanterie. Ô Dieu, du droit de mon agonie qui est proche, je te dis qu'elle n'est pas drôle, ta plaisanterie, de nous donner cet effrayant et bel amour de la vie pour nous allonger ensuite, les uns après les autres, les uns auprès des autres, et faire de nous des immobiles, que de futurs immobiles enfouissent sous terre comme de puantes saletés, des balayures trop répugnantes à regarder, de cireuses immondices, nous qui fûmes des bébés ravis en nos fossettes. Pourquoi toute cette terre sur ma mère, ce petit espace de la caisse autour d'elle qui aimait tant respirer l'air de la mer? Toi si morose maintenant, et laconique en ta terreuse mélancolie, couchée en ce silence noir de la tombe, en ce lourd humide silence de terre de la tombe, dis, toi qui m'aimais, penses-tu quelquefois à ton fils en ta tombe où ne vivent que des racines, des radicelles sans joie et de mornes créatures d'obscurité aux incompréhensibles démarches et toujours silencieuses, quoique effrayamment affairées? Peut-être en s'aveu l'asphyxie rêve-t-elle impassiblement encore de moi, comme en sa vie où elle avait dans ses rêves toujours peur pour moi. Sous sa planche étouffante, elle se demande peut-être si je n'oublie pas de boire quelque chose de chaud le matin, avant de partir pour le travail. Il ne se couvre pas assez, murmure peut-être la morte. Il est si délicat. Il se fait des soucis pour tout et je ne suis pas là, murmure un peu la morte. Accepter l'idée de la mort et l'idée de la vieillesse. Mais c'est ce que je fais, tout à fait. Mais je continue à vivre et à bien manger. Mais ça n'empêche pas que je vois la vérité, la réalité. Seulement j'ai un tel amour de la vie qu'elle me fait accepter ma mort aussi. Peut-être, mais cette mort, vous la vivez quand même de façon horrible. Vous nous parlez des yeux, la morve des yeux. Eh bien oui, mais c'est horrible. Alors pourquoi me le cacherais-je? Horrible, bien sûr, mais ça ne m'empêche pas d'être gai, d'être heureux. Il y a des gens qui savent qu'ils vivront, qu'ils recevront un billet de train pour l'éternité et qui en même temps sont tristes. Moi, je sais que je ne recevrai pas ce billet de voyage supraterrestre et puis je suis heureux. sur eux. Parce que j'accepte, j'ai amor fati. J'aime le destin. Je suis blanc sur un rideau noir. Je me détache vigoureusement sur le fond de la mort. Quelquefois, oui, en effet, je me scandalise parce que je n'accepte pas de perdre mes yeux qui étaient mon âme. C'est vrai, ça me scandalise quelquefois. Ça me fait de la peine, je dis, dommage. Dommage, on était bien ici en bas. Et je n'ai pas la joie d'aller retrouver ma mère, c'est ça qui est. Et qu'importe, et en fin de compte, qu'importe, puisque rien ne me rendra ma mère. Ma mère, qui toujours a couru si vite au devant de ma mère. Albert Cohen, ô vous frères humains, un vieil homme de 10 ans, blanc sur un rideau noir. Une série d'émissions de Françoise Esteb et Jean Couturier. Avec Albert Cohen, Armand Abécassis. La voix de Michel Derville. Prise de son et mixage Robert Pirel. Assistant de production Bruno Sourcy. Réalisation Françoise Esteb, Jean Couturier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 août 1982. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture, ainsi que les 3 premiers volets de la série. Demain, à la même heure, dans Les Nuits de France Culture, Albert Cohen, Manche-Clou, un mariage miraculeux de contradictions. Solal, Manche-Clou, Les Valeureux et Belles du Seigneur sont publiés en un seul volume chez Quarto Gallimard. Thank you.